pas ma santé. Chin chin, je veux t'oublier. Depuis que tu es parti, je me noie dans le whisky. Chin chin, encore une fois, chin chin, oh yeah. À mes amours, chin chin, qu'elles me reviennent un jour. Je suis prêt à lui pardonner, car entre nous tout peut recommencer. Chin chin, mais jusque là, chin chin, oh yeah. Ses bras, lui disant des mots doux, quand moi tout seul je reste planté là. Chin chin, je me sens bien. Chin chin, avec mon chagrin. Je n'ai plus qu'à continuer, c'est bien comme ça qu'on enterre le passé. Encore une fois, chin chin, oh yeah.